Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir monsieur. Je vous téléphone à propos d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis obligé de retarder mon voyage et je voudrais donc reporter ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur ? Poirier. Ah oui, je vois une chambre à 59 euros. Donc vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date ? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors le problème, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, là ? Écoutez, je vais vous donner le numéro des trois autres hôtels de la ville. Ah, merci, vous êtes bien aimable.